Jazz Time, présenté par Gérard. Au sommaire de Jazz Time, une séance de rattrapage, un hommage tardif à Aretha Franklin, quelques rééditions, deux parenthèses musicales inattendues, et puis quand écriture et improvisation ne font qu'un, ben vous allez aimer Andy Emler et son méga octet, et enfin le rendez-vous du jazz vivant, ce sera une proposition à Épinal et à Metz par Jazz Time. Alors, vous qui suivez depuis longtemps la démarche trépidante du guitariste Fred Palem à la tête de son orchestre Le Sacre du Tympan, et après le très drôle cartoon où Fred Palem revisitait les thèmes de Spider-Man, Goldorak ou des Simpsons, vous vous êtes réjouis de pouvoir écouter live Le Sacre du Tympan dans le répertoire de l'album L'Odyssée au cours du récent festival Nancy Jazz Pulsation. Mais voilà, vous avez dû faire un choix entre Fred Palem au chapiteau et Henri Texier à la manufacture. Et comme c'est ce dernier qui a eu votre faveur, n'ayez plus de regrets, vous allez pouvoir retrouver Fred Palem car Jazz Time a pensé à vous, vous proposant un rattrapage, l'occasion de revisiter le village du sorcier avec la jazz band de Fred Palem. Le village du sorcier, c'est une des plages de l'album L'Odyssée de Fred Palem et son Sacre du tympan. Dans son numéro de novembre, le mensuel Jazz Magazine a consacré près de 30 pages à la chanteuse Aretha Franklin, disparue en août 2018 et qui avait su réunir blues, gospel, jazz et rhythm and blues. Jazz Time fait son mea culpa pour n'avoir pas dédié une émission spéciale à cette diva de la soul. Alors pour se faire pardonner, nous vous offrons l'écoute d'une interprétation qui figure dans la sélection que propose Jazz Mag chaque mois à la livraison pour ses abonnés au magazine. Voici donc Aretha Franklin. Elle n'a à l'époque que 14 ans. Elle est déjà une vocaliste redoutable, elle est pure gospel. La voici dans un hymne traditionnel, Precious Lord. Thank you. Un document rare, ce sont les incantations de la toute jeune Aretha Franklin. Elle avait 14 ans au cours des années 50 et elle interprétait là, dans le pur style gospel, Precious Lord. Le label espagnol Fresh Sound, qui s'est fait une spécialité dans les rééditions d'enregistrements devenues indisponibles, entreprend à sa manière l'exhumation de sessions réalisées par des groupes de musiciens français, une tâche entreprise et réussie précédemment par la collection Jazz in Paris. Viennent de paraître des albums dédiés au saxophone ténor Guy Lafitte, au saxophoniste baryton Michel De Villers et au pianiste André Persiani, partenaire de plusieurs formations qui animaient les clubs parisiens. André Persiani, professionnel dès l'âge de 18 ans, était spécialiste d'un jeu qu'on appelle le bloc corse, s'est inspiré de Milt Buckner, mais il avait été aussi influencé par Art Tatum et Teddy Wilson. André Persiani a d'ailleurs donné le virus du jazz à son fils Stéphane, contrebassiste, qui a formé dans les années 80 un trio avec Jean-Michel Pilk au piano et Simon Goubert à la batterie. Retour sur André Persiani, qui dans les années 50 a vu l'occasion de faire un séjour aux États-Unis à demande de la firme Pathé. Il enregistrera là-bas les New York Sessions, en compagnie de jazzmen américains comme le trompettiste Ernie Royal, les trombonistes Vic Nicholson ou Lawrence Brown. Le répertoire de ces sessions est pour l'essentiel constitué de compositions signées André Persiani. Eh bien, voici l'une d'elles, Jesse's Heidi. Sous la direction du pianiste André Persiani, au cours de ses New York Sessions, un grand orchestre pour lequel il avait composé à la fois les thèmes et écrit les arrangements. On ne quitte pas le label Fresh Sound avec un album qui rend hommage au cornettiste Don Joseph, disparu en 1994 et qui avait assez peu enregistré. Or, il se trouve que Don Joseph a participé au sextet du saxophoniste Al Cohn et à celui aussi de Chuck Quain, guitariste, avec l'orchestre également du saxophoniste Jerry Mulligan, et puis aussi un quintet, le saxophoniste alto David Chickant. Ces sessions où est présent donc le cornettiste Don Joseph datent des années 54 à 57. Elles portent témoignage d'un talent complètement oublié aujourd'hui. Je vous propose de découvrir peut-être Don Joseph au cornet, d'abord dans un thème issu du répertoire du jazz traditionnel mais interprété par le sextet d'Al Cohn. Voici « I found a new baby ». Le quintet du saxophoniste Al Cohn, I Found a New Baby, un thème traditionnel revu, et avec en particulier au cornet Don Joseph, un musicien un peu oublié, et que l'on va retrouver dans la formation de Jerry Mulligan. On sait que celui-ci, outre sa place de saxophone baryton, aime écrire pour des formations, qu'elles soient petites ou importantes, comme son concert jazz band. Il était très attentif aux sons, aux alliances de timbres des ensembles. On n'est donc pas étonné de trouver Don Joseph, cornettiste, dans l'orchestre de Mulligan, où Don Joseph prend un solo, comme dans ce All the Things You Are, et bien il prend un solo après Jerry Mulligan et après Lee Konitz, celui au saxophone alto. All the Things You Are. Thank you. Thank you. L'orchestre de Jerry Mulligan, l'interprétation de All the Things You Are avec au cornet Don Joseph, un musicien un peu oublié que nous tenions à vous faire découvrir ou redécouvrir. Vous écoutez Jazz Time Panorama. D'autres labels que Fresh Sound se charge de réédition, et le plus souvent c'est l'occasion de regrouper sur deux CD plusieurs albums puis parus séparément d'un musicien ou d'un orchestre. Vient de paraître donc un double album comprenant le contenu de trois albums datant de 1957 à 1960 de l'orchestre du saxophoniste et arrangeur Bill Holman. Sont ajoutées des plages de l'octet de ce musicien qui date, elle, de 1954. Alors Bill Holman, outre la direction de son orchestre, a écrit pour lui et pour des formations de studio. Il est de ceux qui, en big band, ont fait la synthèse des orchestres, disons, grand format de la côte ouest, allant de Woody Herman à Shorty Rogers ou Maynard Ferguson. Dans ses albums réédités, Bill Holman présente des solistes remarquables, les trompettistes Conte Candoli ou Al Porcino, les trombonistes Frank Rossalino ou Bill Perkins, au saxophone ténor on trouve aussi Richie Kamuka, au piano Lou Levy, que l'on connaît surtout comme pianiste de trio, et puis à la batterie, un inévitable musicien de grande formation, Mel Lewis. Voici l'orchestre de Bill Holman, No Heat. l'orchestre de Bill Holman et après ce big band, place à la formation que le Bill Holman a réunie dans les mêmes périodes. C'était un octet, toujours sous sa direction. Là, c'est une interprétation bien dans l'esprit West Coast. Voici l'octet de Bill Holman, Sparkle. D'autres couleurs, celle de l'octet du saxophoniste Bill Holman, un thème qui a pour titre Sparkle. Alors, dans notre panorama aujourd'hui de Jazz Time, je vous propose une première parenthèse. C'est une parenthèse qui est offerte par le batteur américain Jim Black, associé le temps d'un album à un groupe de chanteurs du Béarn et du Pays Basque. Alors, ces musiciens interprètent des textes populaires, poétiques, et curieusement, l'album a été enregistré à Berlin. Et la définition, en quelque sorte, la résolution qu'affirment ces musiciens, je vous la cite, « Écouter le monde dans sa complexité, entendre les chocs, les grincements de tout le courage, dissiper la brume, dire oui. » Et c'est vrai que le titre de l'album, c'est « Tio », qui veut dire dans la langage courant traduit du basque « oui ». Alors quand les polyphonies de Gascogne rencontrent un batteur new-yorkais, voici ce que l'on obtient, un titre tout à fait inattendu, « Mon dernier tracteur ». Parfois le ciel, j'étais un ange. la rencontre improbable entre un groupe de vocalistes d'un groupe vocal de Béarn et du Pays Basque avec le batteur Jim Black. C'est un album qui a pour titre Vox Bidjeri plus Jim Black. Seconde parenthèse dans ce panorama de Jazz Time, c'est ce petit titre qui s'appelle Bartok Impression, car il ne se passe pas de mois sans qu'on ou plusieurs musiciens de jazz choisissent de revisiter l'œuvre ou du moins quelques opus d'un compositeur de musique dite sérieuse. Récemment, ce sont surtout des compositeurs impressionnistes français comme Debussy ou Ravel en tête qui ont inspiré les jazzmen. Aujourd'hui, un trio se réfère à Béla Bartok, compositeur hongrois, et ce trio se livre à une relecture et donne libre cours à l'improvisation sous le titre Bartok Impression. Les trois partenaires sont le violoniste français Mathias Lévy, Mathias Sandar à la contrebasse et au cymbalum, instrument typiquement des pays de l'Est, Miklós Lukács. Ce trio propose entre autres cette improvisation sur la composition de Bartok Microcosmos numéro 149. Bartok Impression, c'est un trio composé de Mathias Lévy violon, Mathias Sander contrebasse et au cymbalum Miklós Lukács. C'est un trio qui propose ses relectures de compositeur Béla Bartok. Pour définir la démarche entreprise depuis son entrée en jazz par le pianiste, compositeur et chef d'orchestre Andy Himmler, qui a créé pour mettre en œuvre ses projets le Mega Octet, je citerai Guy Darol qui a écrit à propos du nouvel album du Mega Octet, je cite « Ouvrir une brèche dans une forteresse et plus loin, l'art de concasser les barrières ». Mais Andy Himmler n'est pas un démolisseur, même s'il revendique avec « A Moment For » la volonté on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Eh bien, avec le Mega Octet, composé de fidèles complices, Andy Himmler, il est vrai, ne nous ménage pas. Écriture et improvisation s'entremêlent avec force. Illustration avec Move In. Le méga-octet de Andy Hemmler nous proposait Move In, point de suspension or. Sur l'agenda de Jazz Time, les rendez-vous avec le jazz vivant. À Épinal, le Lavoir Théâtre accueille le 23 novembre à 20h30 un trio de jazz manouche avec Samson Schmitt, Johan Dupont et Joachim Yanello III, brillants guitaristes qui proposent de rire avec Charlie, Charlie Chaplin bien sûr. À Épinal, le 23 novembre à 20h30, le trio de jazz manouche du guitariste Samson Schmitt. Et puis à Metz, au Trinitaire, le quartet du saxophoniste Jack Schwarzbart, composé de Fred Nartin au piano, Stéphane Kiriki contrebasse et Arnaud Dolmen batterie, sera sur scène le 28 novembre à 20h30. Jack Schwarzbart. Jack Schwarzbart sera avec son quartet à Metz au Trinitaire le 28 novembre à 20h. La réalisation technique de ce numéro de Jazz Time est assurée par Quentin, que je remercie. Et le prochain rendez-vous avec le jazz, eh bien vous le trouverez dans Jazz Time, c'est sûr, dans une semaine avec l'ami Denis. À bientôt, au revoir.